César Borgia par Paul de Saint-Victor. Si l'histoire, comme les bibliothèques, avait son enfer, César Borgia, duc de Valentinois, y mériterait une place à part. Il présente ce phénomène unique d'un être né, conformé, organisé pour le mal, aussi étranger aux idées de moralité humaine que l'habitant d'une autre planète peut l'être aux lois physiques de ce globe. Les grands scélérats qui ont effrayé le monde par la stature et les proportions de leurs crimes eurent tous plus ou moins leur côté faible, leur défaut de cuirasse, leur quart d'heure d'attendrissement ou de repentir. Il y a un moment dans leur vie où ils s'arrêtent et où ils regardent en arrière d'un œil effrayé. La jeunesse de Néron a une forme humaine. Yvan le Terrible, après avoir tué son fils, s'enferme dans le Kremlin en rugissant de douleur. Ali Pacha laisse un vieux derviche l'arrêter par la bride de son cheval au seuil d'une mosquée de Janina. Il essuie sans sourciller les injures sanglantes que le vieillard lui crache à la face et de grosses larmes roulent silencieusement sur sa barbe blanche. Alexandre VI lui-même, le père de César, assemble un consistoire après le fratricide de son fils où il ouvre avec horreur son âme aux cardinaux, se confesse et frappe sa poitrine. César Borgia, lui, est coulé d'un jet dans l'endurcissement. Le doute et la lassitude lui sont inconnus. Il bondit, rampe, s'embusque et tue, dans le siècle agité et compliqué qu'il habite, comme un tigre indien dans sa jungle. Il en a l'éclat, la force, la souplesse, l'effrayante élégance, les bonds et les mouvements élastiques. Il obéit comme lui à des instincts de destruction qui ne discutent pas. Ce qui frappe à première vue, lorsqu'on étudie de près le jeune monstre, c'est la verve et le naturel qu'il met à commettre ses crimes. Rien de forcé ni de théâtral. Son ambition a l'élan d'un appétit carnassier. Son astuce même tient de cette acuité de flair et d'ouïe dont la nature a doué les fauves. Tel nous le montre le grand portrait que l'on voit de lui au palais Borghese, et qui a la beauté du diable, dans la plus haute acception du mot. La main sur son poignard, tenant de l'autre une de ces boules d'or qui servaient à contenir des parfums, il vous regarde en face, avec une sérénité impassible. Ce n'est point la haine, ni la colère qu'exprime ce regard, mais la volonté, une volonté fatale, inflexible, tendue comme un glaive, et dont l'imagination pénétrée sent en quelque sorte la pointe et le froid. L'art sait rarement assimiler la vie à un degré plus intense. L'homme est là, enchâssé tout vif dans le panneau de cèdre, comme un oiseau de proie cloué sur une porte. C'est le type de la méchanceté jeune, grandiose, florissante, pleine de génie et d'avenir. Cette santé, robuste dans la corruption, inattaquable au remords, lui venait d'ailleurs de son père. Alexandre VI était de même trempe. Le pape a 70 ans, écrivait à la seigneurie Francesco Cappello, l'ambassadeur de Venise à la cour de Rome. Mais il rajeunit tous les jours. Ses soucis et ses inquiétudes n'ont d'autre durée qu'une nuit. Il est d'une nature peu sérieuse et n'a de pensée que pour ses intérêts. Son ambition absolue est de faire grand ses enfants. D'autres soins, il n'en a pas. Né d'altro a cura. On rêve, on croit rêver en voyant César Borgia se mouvoir avec l'entrain et l'incombustibilité d'un démon au milieu de l'enfer pittoresque de la Rome du XVe siècle. L'énormité des choses les rend presque incompréhensibles. Fils d'un pape et d'une courtisane, il est l'homme d'action de ce pontificat unique dans l'histoire qui réalisa la farce infernale dont parlent les vieilles légendes. Satan en chape et mitrée, parodiant les divins mystères, sur les ruines d'un antique autel. Il y a au musée d'Anvers un tableau vénitien qui symbolise admirablement, à l'insu du peintre, cette papauté excentrique. On y voit Alexandre VI présentant à Saint-Pierre l'évoque in partibus de Paphos qu'il vient de nommer général de ses galères. Saint-Pierre est assis sur un bas-relief où trépigne une impudique bacchanale. Au fond se délie une statuette de l'amour ajustant son arc. Cet étrange amalgame, Saint-Pierre, un Borgia, un évêque du diocèse de Vénus, une idole, une saturnale païenne, brochant sur le tout, est l'image frappante des contradictions de cette partie de l'histoire. qu'est-ce que le règne d'Alexandre VI, sinon le carnaval diabolique du vieil empire romain, ressuscité pour quelques années, sous les costumes et les figures du catholicisme? Tibère revient au monde déguisé en pape et refait Rome à son image. Le Vatican a ses orgies comme Caprée. Aux noces de Lucrèce Borgia, 50 courtisanes nues dansent pendant le banquet et ramassent des châtaignes qu'on leur jette entre les candélabres déposés à terre. Quelques jours plus tard, le pape offre à ses enfants le spectacle d'une jument poursuivie dans une cour du palais par des étalons en chaleur. Lorsque Louis XII, marchant sur Naples, s'approcha de Rome, Alexandre VI envoya à la rencontre de l'armée 50 tonneaux de vin, du pain, de la viande, des œufs, des fruits, du fromage, et pour le roi et ses capitaines, 16 des plus belles filles de joie de la ville. En hôte prévoyant, il avait fait dresser, au lieu de l'étape, des tentes de feuillage. Après 12 siècles de relâche, les jeux sanglants du cirque recommencent à l'endroit même où Néron brûlait les martyrs. Un jour après souper, César, en habit de chasse, fait venir 6 condamnés, Gladiandi, sur la place Saint-Pierre barrée par des poutres. Il monte à cheval, chasse à course gibier humain et les tue tous à coups de flèche. Le pape, sa fille, son gendre et sa maîtresse Giulia Bella assistent d'un balcon à cette reprise du spectacle antique. Ave papa, morituri te salutant. Alexandre VI hérite du sacré collège comme Caligula héritait du Sénat romain. L'épidémie qui décimait les pères conscrits opulents se réveille pour emporter les cardinaux trop riches. La cantarella des Borgia vaut les champignons et les essences de Locuste. Après avoir empoisonné le cardinal Orsini, le pape dit ironiquement au sacré collège « Nous l'avons bien recommandé aux médecins. » Rome, comme ce groupe de Laocoon que l'on venait de découvrir, se sent attaqué aux plus nobles membres par le reptile de l'empoisonnement. On meurt d'un gant, d'un fruit, d'un sorbet, de l'égratignure d'une bague, de la respiration d'un parfum, du vin bu dans le calice, de l'hostie de la communion. Il semblait que le poison émanât de la seule présence d'Alexandre. Ses fureurs mêmes foudroyaient. Louis Capra, évêque de Pésare, et le cardinal Laurent Cibot moururent d'effroi au sortir d'une audience où il les avait menacés. Pour compléter la ressemblance du pontificat des Borgia avec la Rome impériale, Lucrèce, la fille du pape, 4 fois mariée, 3 fois incestueuse, reproduit l'infamie grandiose des Julie et des Drusilles de la maison des Césars. Son père la comble d'honneurs sacrilèges. Il la fait trôner scandaleusement avec sa sœur Sancia aux fêtes de Saint-Pierre, sur le pupitre de marbre où les chanoines chantaient l'évangile. Super pulpitum marmoreum in quo canonici sancti petri epistolam et evangelium decantare consuverunt. Lucrèce a une livrée d'évêques. Des prélats la servent à table. Il n'est permis qu'aux cardinaux de célébrer la messe devant elle. En l'absence du pape, c'est elle qui décachette les missives, rédige les dépêches et convoque le sacré collège. La fabuleuse papesse Jeanne semble renaître et régner en elle. Mais ce que la Rome impériale ne donne pas, c'est un bandit du caractère de César Borgia. Ces tyrans sont pour la plupart des fous couronnés. Ils ont le vertige du pouvoir absolu ou la fièvre chaude de la cruauté. César Borgia les dépasse de sa tête qui resta toujours froide et lucide. Rien de malade en lui, ni d'aliéné, ni de chimérique. Il a son plan, la souveraineté de la Romagne. Il a sa politique, elle peut se résumer dans cette brève formule « Les morts ne reviennent point ». Une logique atroce règle sa vie en apparence effrénée. Allégé du poids de l'âme, de la conscience, du remords, de tout ce bagage moral qui ralentit la marche des scélérats ordinaires, il va vite, se multiplie, tranche au lieu de dénouer et porte des coups d'autant plus sûrs que son bras ne tremble jamais. Son frère aîné, le duc de Gandie, était le chef naturel de cette maison des Borgia, dont le pape voulait faire une dynastie royale ou princière. Son droit d'aînesse reléguait César au second plan de la scène. On l'avait fait cardinal, comme plus tard on faisait abbé ou chevalier de Malte les cadets de famille. César assista d'abord tranquillement à la grandeur croissante de son frère. Il laissa le pape, le chargé de richesses, accumuler sur lui les duchés, les dignités, les honneurs. C'était la patience du bandit embusqué, regardant avec joie l'homme que tout à l'heure il va dépouiller, revêtir ses plus riches habits et se parer de tous ses joyaux. Quand le duc de Gandie fut mûr, bon à tuer et à remplacer, César le fit assassiner par cinq sbires, monta à cheval, prit le cadavre en croupe, tête pendante, et alla le jeter la nuit dans le Tibre. Burchard, ce Dangeau des Borgia, nous donne le bulletin de l'exécution. Le 14 juillet, le seigneur cardinal de Valence, César Borgia, et l'illustre seigneur Jean Borgia, duc de Gandie, fils aîné du pape, soupèrent à la vigne de Madame Vanoza, leur mère, près de l'église de Saint-Pierre aux Liens. Ayant soupé, le duc et le cardinal remontèrent sur leur mule. Mais le duc, arrivé près du palais du vice-chancelier, dit qu'avant de rentrer, il voulait aller à quelque amusement. Il prit congé de son frère et s'éloigna, n'ayant avec lui qu'un estafier et un homme qui était venu masqué au souper et qui, depuis un mois, le visitait tous les jours au palais. Arrivé à la place des Juifs, le duc renvoya l'estafier, lui disant de l'attendre une heure sur cette place, puis de retourner au palais, s'il ne le voyait revenir. Cela dit, il s'éloigna avec l'homme masqué, et je ne sais où il alla, mais il fut tué et jeté dans le Tibre, près de l'hôpital Saint-Jérôme. L'estafier demeurait sur la place des Juifs, y fut blessé à mort et recueilli charitablement dans une maison. Il ne put faire savoir ce qu'était devenu son maître. Au matin, le duc ne revenant pas, ses serviteurs intimes l'annoncèrent au pape, qui, fort troublé, tâchait pourtant de se persuader qu'il s'amusait chez quelques filles et qu'il reviendrait le soir. Cela n'étant pas arrivé, le pape, profondément affligé, ému jusqu'aux entrailles, ordonna qu'on fît des recherches. Un certain Georges Schiavoni, qui avait du bois au bord du Tibre et le gardait la nuit, interrogé s'il avait vu la nuit du mercredi jeter quelqu'un à l'eau, répondit qu'en effet il avait vu deux hommes à pied venir par la ruelle à gauche de l'hôpital, vers la cinquième heure de la nuit, et que ces gens ayant regardé de côté et d'autre si on les apercevait, et n'ayant vu personne, deux autres étaient bientôt sortis de la ruelle, avaient regardé aussi, et fait signe à un cavalier qui montait un cheval blanc et qui portait en croupe un cadavre, dont la tête et les bras pendaient d'un côté et les pieds de l'autre. Deux des hommes qui marchaient derrière le cavalier prirent le cadavre par les bras et par les pieds, le balancèrent avec force et le lancèrent dans le fleuve aussi loin qu'ils purent. Celui qui était à cheval leur demanda s'il avait plongé. Ils répondirent « Seigneur, si ». Puis il piqua son cheval. Mais en tournant la tête, il aperçut le manteau qui flottait sur l'eau. Il demanda « Qu'est-ce que je vois donc de noir sur la rivière ?» Ils répondirent « Seigneur, c'est le manteau ». Alors l'un d'eux jeta des pierres, ce qui le fit enfoncer. Cela fait, piéton et cavalier disparurent par la ruelle qui mène à Saint-Jacques. Un trait, digne de Shakespeare, termine ce témoignage populaire. Les camériers du pape demandèrent à Georges Schiavoni pourquoi il n'avait pas été révélé le fait au gouverneur de la ville. Il répondit « Depuis que je suis batelier, j'ai vu jeter plus de 100 cadavres dans cet endroit du fleuve, sans qu'on ait jamais fait d'information. C'est pourquoi j'ai cru qu'on ne mettrait pas à la chose plus d'importance que par le passé. » Dans la nuit même de son fratricide, César partit pour Naples, où le pape l'envoya assister en qualité de légat à la Terre, au couronnement du roi Frédéric. Il y fit une entrée superbe, bannière au vent, clairon sonnant, avec force pages, écuyers, timbaliers, cavaliers de toutes armes et de tout costume, montés sur des chevaux ferrés d'or. Quelque temps après, il empoisonna à sa table le cardinal Jean, son cousin. Puis l'envie le prit de faire sa sœur Lucrèce, duchesse de Ferrare. Elle était mariée en troisième noce à Don Alphonse d'Aragon, un bâtard de la maison de Naples, adolescent doux et timide. L'enfant effrayé avait fui à Naples, où il se tenait pendu aux jupes de sa mère. César fit si bien qu'il le décida à rentrer dans Rome. Trois jours après, il le poignarda, à 4 heures de la nuit, sur l'escalier de Saint-Pierre. Le prince, tout sanglant, courut vers le pape, s'écriant « Je suis blessé !» Et il lui dit par qui. Et Madonna Lucrezia, fille du pape et femme du prince, se trouvant alors dans la chambre de son père, tomba évanouie. Cette fois, le pape s'indigna et il fit garder à vue le jeune prince par 16 de ses gens. César dit simplement « Ce qui ne s'est pas fait à dîner se fera à souper. » Ce qui fut dit fut fait. Un jour, César entra dans la chambre, trouva le prince déjà levé. Il fit sortir sa sœur et sa femme et le fit étrangler par Michelito, son exécuteur ordinaire. Comme le duc ne voulait pas mourir de ses blessures, il fut étranglé dans son lit, dit Burchard dans son diarium. C'est le style habituel de cet honnête prélat alsacien que le hasard fit maître des cérémonies d'Alexandre VI. Il rédige avec une encre de lymphe sa chronique de sang. Vous diriez un eunuque enregistrant, d'une main machinale, les meurtres et les débauches du sérail. Mais la force des choses lui arrache par moments des traits, des ironies, des sarcasmes qu'on dirait de Tacite. Au reste, l'imbécilité du scribe garantit la véracité de son griffonnage. On croit sur parole des hommes comme Burchard. Ils n'ont pas assez d'imagination pour inventer un mensonge. Les grues d'Ibicus sont d'irrécusables témoins. Alexandre VI tremblait devant son terrible fils. Un jour, il lui tua un de ses favoris, nommé Père Otto, sous son manteau où il s'était réfugié. Si bien que le sang sauta à la face du pape. Chaque jour, dans Rome, dit une relation vénitienne, il se trouve que la nuit on a tué 4 ou 5 seigneurs, évêques, prélats ou autres. C'est à ce point que Rome entière tremble à cause de ce duc, chacun craignant pour sa vie. Don Juan de Servilione, ne voulant pas lui céder sa femme, il le fit décapiter en pleine rue à la Turque. Le pavé servit de bio. Un homme masqué lui a lancé, pendant les courses de carnaval, une épigramme offensante. César le fit arrêter et conduire à la prison Savella. On lui coupa la main et la langue, qui fut attachée au petit doigt de la main coupée. Pour avoir traduit en latin un pamphlet grec contre les Borgia, le Vénitien Lorenzo, malgré les réclamations de la République, fut jeté au fleuve. Astor et Manfredi, seigneur de Faenza, ayant refusé de livrer sa ville au duc de Valentinois, fut pris avec elle, après une défense héroïque qui dura 6 mois. Astoré avait 16 ans. Il était beau comme un éphème grec. César l'envoya à Rome avec son frère plus jeune encore. Il traîna les 2 enfants dans les cloaques de Sodome, puis, au bout d'un an, on les retrouva dans le Tibre, étranglés et attachés ensemble par les mains. Un de ses meilleurs tours fut celui qu'il joua à Messer Ramiro d'Orco, un homme de fer et de cordes, qu'il avait chargé de mater la Romagne après sa conquête. Ramiro justifia son choix et dompta par les supplices toutes les résistances. Mais cette terreur suscita des haines. Le pays semblait prêt à se révolter de nouveau. Pour l'apaiser, César lui montra un matin le corps de Ramiro coupé en quartiers sur la place publique de Cézène et le coutelas sanglant à côté du cadavre. Ce spectacle lui rallia la Romagne. Elle acclama le prince magnanime qui brisait le manche de sa hache quand elle n'était plus bonne à frapper. Machiavel, en mission auprès de Borgia, écrit d'abord à la seigneurie de Florence. On ne sait au juste la cause de la mort de Ramiro. Ce que l'on peut dire de plus probable, c'est que telle a été la volonté du duc de Valentinois pour montrer qu'il a le pouvoir d'élever et d'abattre les hommes à son gré. Mais plus tard, revenant sur l'exécution de Ramiro dans son livre du prince, il l'analyse et l'admire comme un coup de maître. Le duc, sachant que la rigueur d'abord exercée avait excité quelques haines, et désirant éteindre ce sentiment dans les cœurs pour qu'ils lui fussent entièrement dévoués, voulut faire voir que si quelques cruautés avaient été commises, elles étaient venues, non de lui, mais de la méchanceté de son ministre. Sur quoi, sa conduite pouvant encore servir d'exemple, il n'est pas inutile de la faire connaître. Ce fut encore devant Machiavel que César Borgia eut l'honneur de jouer la meilleure de ses tragédies, celle du célèbre guet-apens de Sinigaglia. Vitelli, Orsino, Liverotto, Gravina, les 4 plus redoutables capitaines de l'Italie, y furent attirés, pris, étranglés, d'un même coup de filet. César s'était surpassé pour mériter le suffrage d'un juge si expert. C'est une des plus curieuses rencontres de l'histoire que celle d'un tel spectateur placé en face d'un tel tragédien. César ne se dérange pas pour Machiavel. Il conçoit, médite, exécute son crime devant lui avec l'émulation d'un joueur d'échecs qui sent derrière son épaule l'œil d'un théoricien consommé. Le miracle diabolique de ce beaucoup de Sinigaglia, ce ne fut pas tant l'exécution que la capture. Les quatre victimes qu'il prit à son piège étaient ses ennemis mortels. Ils avaient éprouvé 10 fois la duplicité de sa parole. Le pressentiment d'une catastrophe les agitait à l'avance. L'un d'eux, Vitellezzo Vitelli, fit à sa famille des adieux de mourant avant de se mettre en route pour Sinigalia. Ils y vinrent pourtant fascinés et comme endormis par un magnétisme mortel. César les reçut d'un air gracieux à l'entrée de sa maison et les fit passer dans son oratoire où ils furent immédiatement étranglés. Le trait comique de cette tragédie, c'est Vitellezzo Vitelli, priant son bourreau, la corde sur le cou, de demander au pape une indulgence plénière pour tous ses péchés. Alexandre VI se moqua fort des quatre dupes de Sinigalia et dit que Dieu les avait châtiés pour s'être fiés aux Valentinois après avoir juré de ne se fier jamais à lui. Machiavel a beau prendre une plume de bronze pour rapporter l'affaire à son gouvernement, elle tremble d'admiration dans sa main. L'artiste politique a trouvé son prince. Il crie « Eureka » comme Archimède quand il résolut son problème. En résumant toute la conduite du duc de Valentinois, non seulement je n'y trouve rien à critiquer, mais il me semble qu'on peut la proposer pour modèle à tous ceux qui sont parvenus au pouvoir souverain par la faveur de la fortune et par les armes d'autrui. Doué d'un grand courage et d'une haute ambition, il ne pouvait se conduire autrement, et l'exécution de ses desseins ne put être arrêtée que par la brièveté de la vie de son père Alexandre et par sa propre maladie. Quiconque, dans une principauté nouvelle, jugera qu'il lui est nécessaire de s'assurer contre ses ennemis, de se faire des amis, de vaincre par force ou par ruse, d'être craint et aimé des peuples, suivi et respecté par les soldats, de détruire ceux qui peuvent et doivent lui nuire, de remplacer les anciennes institutions par de nouvelles, d'être à la fois sévère et gracieux, magnanime et libéral, de former une milice nouvelle et dissoudre l'ancienne, de ménager l'amitié des rois et des princes, de telle manière que tous doivent aimer à l'obliger et craindre de lui faire injure. Celui-là, dis-je, ne peut trouver des exemples plus récents que ceux que présente la vie politique du duc de Valentinois. César Borgia explique Machiavel. Son prince est calqué sur lui. Ce livre énigmatique a épuisé tous les commentaires. Il en est qui lui prête l'ironie du prophète Osée, épousant une prostituée, et affichant l'adultère pour effrayer Israël par l'allégorie de sa propre honte. Quelques-uns croient y voir un piège à tigre tendu à Laurent de Médicis, auquel Machiavel dédia son œuvre, et qu'il aurait espéré perdre en le lançant dans la tyrannie. D'autres n'y trouvent que l'opération d'un chirurgien politique qui démontre au prince le jeu des organes et des ressorts du pouvoir, avec l'indifférence scientifique du professeur de la leçon d'anatomie de Rembrandt, disséquant un cadavre devant ses élèves. Son explication la plus simple est celle d'un peintre généralisant un modèle. L'influence de César Borgia sur Machiavel est incontestable. Il le vit de près et à l'œuvre. Il vécut longtemps enfermé dans cette cour, où on ne dit jamais les choses qui doivent se taire, et où tout se gouverne avec un secret admirable. Avec sa froide impartialité, il étudia cet homme redoutable, muni de toutes les armes de la force, de toutes les dextérités de la ruse, concentré dans son égoïsme comme un caïman sous sa carapace, produit naturel et parfait de l'horrible Italie du temps. Il le trouva conformé pour la dominer et pour la servir, et constatant sa puissance, analysant ses actes, codifiant ses cruautés et ses fraudes, il en fit le type suprême et idéal du tyran. N'oublions pas que le livre du prince fut écrit pendant une des plus sanglantes éclipses du sens moral qu'ait connu le monde, dans un temps où l'idée du droit avait disparu des consciences, où toute créature inoffensive, sujet au prince, était bientôt détruite. Le blason que César Borgia avait adopté, un dragon combattant et dévorant des serpents, était l'emblème de son époque autant que le sien. L'Italie du XVe siècle semblait retomber sous l'atroce loi de l'extermination des faibles par les forts qui régit le règne animal. Inférieur par l'intelligence à César Borgia, les princes du temps l'égalaient en scélératesse. Bentivoglio, seigneur de Bologne, massacrait en une nuit la famille de son rival composée de plus de 200 membres. Oliveretto, une des victimes de Sinigalia, neveu de Jean Fogliani, seigneur de Fermo, invitait son oncle, avec les citoyens les plus importants du pays, un grand banquet, les faisait égorger en masse au milieu de la fête et s'emparait de la ville terrifiée par ce coup de main. Machiavel, ayant sous les yeux un homme supérieur à ses brigands subalternes, fait le prince à son image et d'après les adversaires contre lesquels il devra lutter. Il lui apprend à tisser les ruses, à machiner les embûches, à étouffer ses ennemis avant qu'il n'ait eu le temps de lui nuire, à ne voir dans les autres hommes que des instruments à employer ou des obstacles à faire disparaître. On écrit Télémaque à la cour de Louis XIV et Ad usum serenissimi Delphini. On écrit le prince à l'usage du très fourbe et très cruel Laurent de Médicis en sortant du massacre de Sinigalia. Au reste, c'est en naturaliste plutôt qu'en historien que Machiavel envisage les affaires humaines. Il formule les lois du succès sans les blâmer ni les justifier. Il n'a ni préférence ni système. Comme il enseigne aux tyrans, dans le Livre du Prince, l'art d'asservir le peuple, il apprend au peuple, dans les discours sur Tite-Live, l'art de renverser le tyran. Son cruel génie est à deux tranchants. Il en présente la poignée et il en démontre l'escrime aussi bien aux conspirateurs et aux tribuns qu'aux despotes. On pourrait se représenter son œuvre comme un cabinet de consultation politique plein de circuits et de dédales, avec des entrées et des issues doubles. Sylla peut en sortir par une porte, avec une liste de proscriptions cachées sous sa toge, et Chéréas par l'autre, avec un poignard. Est-ce un fait? Est-ce une légende que le souper tragique où, à en croire Bembo et Paul Jove, Alexandre et son fils burent la mort en se trompant de verre? Il s'agissait d'empoisonner 5 cardinaux à la fois. La table était dressée dans la vigne de Saint-Pierre aux Liens. Le pape et César, arrivant altérés, demandèrent à boire. Le sommelier qui avait le secret des fioles mortelles était allé chercher une corbeille de pêche au palais. Son valet prit au hasard parmi les flacons et leur versa le vin de clos à prêter. Le poison agit sur le vieux pape avec la violence de la flamme. Il tomba presque foudroyé. César avait dompté l'empoisonnement comme on apprivoise un reptile. Il s'était fait un estomac de Mithridate à l'épreuve des plus noirs venins. La camarella, cette poudre sucrée qui recelait un feu corrosif, entama pourtant ses entrailles. On dit que pour guérir, il se fit enfermer dans le corps d'un taureau fraîchement éventré. Le comte, si c'en est un, a la beauté d'un mythe. Cet homme de meurtre et d'inceste, incarné dans l'animal des hécatombes et des bestialités antiques, en évoque les monstrueuses images. Je crois entendre le taureau de Phalaris et le taureau de Pasiphae répondre de loin, par d'effrayants mugissements, aux cris humains de ce bucentaure. César en sortit pelé, dit-on, par la cuisson du venin, mais souple, nerveux et vivace comme un serpent qui a jeté sa vieille peau. Le duc de Valentinois, rapporte Machiavel, me disait, lors de la nomination de Jules II, qu'il avait pensé à tout ce qui pouvait arriver si son père venait à mourir, et qu'il avait trouvé remède à tout, mais que seulement il n'avait jamais imaginé qu'à ce moment, il se trouverait lui-même en danger de mort. « Eccetto che non penso mai, in sulla sua morte, di stare ancora lui per morire. » Le péril était grand, à en juger par les haines qui se déchaînèrent. Le corps du pape, délaissé dans une chapelle de Saint-Pierre, sans cierge et sans prêtre, fut livré toute une nuit aux brutalités et aux moqueries obscènes de quelques manœuvres. Le matin venu, ils couvrirent d'une vieille natte le cadavre à moitié pourri et le jetèrent dans un cercueil qui se trouva trop étroit. Alors ils l'y enfoncèrent à coups de pied et de poing et le roulèrent dans son tombeau en crachant dessus. D'une autre part, on massacrait dans les rues les partisans des Borgia. Fabius Orsini, ayant tué un homme de la maison du duc, se rinça la bouche avec une gorgée de son sang. César se tira pourtant très grandement de ce désastre subi. Il tint devant ses ennemis une fière contenance, fortifia le Vatican contre la ville, négocia avec le conclave, se fit livrer par le cardinal trésorier avec le poignard sur la gorge toutes les richesses de son père et imposa au nouveau pape ses conditions de renoncement et d'exil. Sa sortie de Rome égala le faste de ses entrées. Il en partit couché sur une litière portée par 12 hallebardiers et recouverte d'un manteau de pourpre. À côté, deux pages menaient son cheval de main, carapassonné de harnais de deuil. Autour de lui, chevauchaient l'escopette au poing, ses vieux reîtres noircis au feu de toutes les guerres civiles d'Italie. Satan, exorcisé de la ville sainte, en sortait suivi de sa bande, mais avec un orgueil d'enfer et portant haut son front foudroyé. À partir de là, César commença à n'être plus rien. Comme le lui dit Saint-Nazaire dans un distique injurieux, « Incipis esse nihil ». Heureux malgré tout, il parvint à s'évader au moyen d'une corde jetée sur un gouffre de la forteresse de Médina, où le roi d'Espagne l'avait enfermé. « Seigneur, disait le gardien du fort à Brantôme, en lui montrant la lucarne de sa prison, par là se sauva très miraculeusement César Borgia. « Seigneur, pour qui se salvo César Borgia pour grand milagro ?» Les crimes lui étant devenus inutiles par la chute de son ambition, il est probable qu'il n'en commit plus et qu'il redevint simplement un vaillant chef de condottieri. Les hommes de l'espèce dont il est le type ne font pas plus le mal pour le mal que les animaux carnassiers n'attaquent une proie quand ils n'ont plus faim. On le perd de vue pendant cette année, jusqu'au jour où on le retrouve bataillant bravement au siège de Viana, à côté du roi de Navarre, son beau-frère. Il y fut tué dans une sortie d'un coup de sagaie. L'amour immoral que la fortune portait à ce bandit se manifesta jusqu'au dernier jour. Elle le fit mourir en soldat. Ce damné du Dante tomba comme un héros de l'Arioste. César Borgia, par Paul de Saint-Victor.